Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Wa tamam hada. أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. Dans le درس précédent, شيخ الإسلام رحمه الله il a cité une مسألة عظيمة وهي أن المشركين à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام كفار قريش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Et malgré leur reconnaissance et leur croyance, en le créateur, le khaliq, c'est Allah. Le raziq, c'est Allah. Malgré cela, ce n'est pas devenu des croyants. Pourquoi ? Stafadna wa lillahi alhamd, min hada ad-dars wa min ghayrih, anna tawhid al-rububiyya, ça implique quelque chose d'azim. Tawhid al-uluhiyya. Il faut reconnaître bien sûr que Allah c'est le créateur, c'est lui qui donne, c'est lui qui guide. كذلك, il faut absolument adorer Allah Azza wa Jal seul. في هذا الحال, توحيد الربوبية, il est profitable. وإلا, كما تقدم معنا, كفار قريش, ils ont reconnu, Iblis il a reconnu. الشيطان الرجيم, خلقتني من نار. Iblis il sait très bien que c'est Allah le créateur. لكن عصى, وغوى, ولعنه الله سبحانه وتعالى لماذا لانه لا pavoulu se soumettre fa notre din ils traduisent l'islam par la soumission. C'est pas une simple reconnaissance l'islam, là c'est une croyance et tu dois te soumettre. فلهذا عرفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقولها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. C'est ça l'islam, c'est الاستسلام لله بالتوحيد, c'est se soumettre à Allah سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له يوبيغ على ses ordres والبراءة من الشرك, s'écarter du shirk. أما reconnaître que Allah سبحانه وتعالى c'est le créateur comme il faisait كفار قريش. ثم quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a dit قولوا لا إله إلا الله, ils ont dit أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ils ont trouvé cela étonnant. Comment délaisser l'adoration de nos idoles ? Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire comprendre ? Ils ont voulu faire comprendre, même s'ils adorent Allah, Azzawajal, ils adorent leurs idoles, les deux. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Qulu la ilaha illallah. » Si tu dis la ilaha illallah, tu dois délaisser l'adoration de toutes les créatures. Tu dois adorer le créateur, Azzawajal, seul. Enfin, ce point, il est essentiel. Le deuxième point, on a parlé, « Wa tamam hada an ta'rifan al-mushrikin. » الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة etc. Qu'est-ce qu'il veut montrer هنا? Il veut montrer rahmatullah alayhi أن الشرك c'est pas que l'adoration des statues. بعض الناس ils ont cette compréhension. مثلا بعضهم عيادا بالله ils adorent autre qu'Allah en sacrifiant des bêtes عند الولي. Ça c'est du shirk. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah il est maudit. Que ça soit une statue, que ça soit Sidi Foulan, que ça soit pour le soleil, Al-Mu'im, si c'est autre qu'Allah, il est mal'oun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadat. Et parmi les adorations, la salat, le dua, le sacrifice, etc. Fabardanas, ils ont cette compréhension. Annahum, si tu les conseilles, matalan, ya fulan, pourquoi tu sacrifies pour autre qu'Allah ? Il dit, mais Anna, je n'ai pas sacrifié pour une statue. Il pense que le shirk, c'est que adorer les statues comme il faisait Kuffar Quraysh. Alors que certains minal mushrikin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient des statues, d'autres ils adoraient des anges, d'autres ils adoraient Isa. Et là, chaque anna Isa, c'est min dhurwati l'awliya. C'est un prophète, un messager, alayhi salatu wa sallam. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, kaffarahum. عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Dans l'autre verset, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Malgré leur adoration à Isa, est-ce que ça fait des croyants parce qu'ils ont pas adoré des statues, ils ont adoré un prophète? Abatan. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants. لقد كفر قال عز وجل. Ay, on mécrue ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Messie, ou que leur aqida, la Trinité, Allah, Issa et le Saint-Esprit, Iyadam Billah. Enfin, tout ça, c'est min al-kufr wa shirk. Donc ce point, il est important. Un shirk, c'est adorer autre qu'Allah. Que ce soit une pierre, un arbre, une statue, un prophète, un ange, c'est du shirk. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Qala rahimahullah. Al-mushrikoun. On passe à la parole de Cheikh Bouzan, le charh. المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنام فهم متفرقون في عباداتهم فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ولم يقل ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنام ويترك الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين ما فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait aucune différence entre le mushriki. Ce qu'adorait des statues, ou Isa ibn Maryam alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ou le soleil, ou un ange. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu le jami'. Kama qala Allahu azza wa jal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Ça nous montre quoi? Qawluhu wa yakunu ad-din. Ad-din s'est fondé sur quoi? Ad-din s'est fondé sur l'ibadah, sur l'adoration. La religion, c'est quoi ad-din? C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et espérer la récompense. Ad-din kulluhu lillah. Al-ibada n'est que pour Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam biqitalihim jami'an. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus jami'an. Il a combattu les mushrikoun, il a combattu les juifs fil Medina. Ses compagnons radiyallahu anhum après lui, ils ont combattu les romains en nasara. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un ad-din ou l'haq, c'est l'islam. La ghayr. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الشيخ البوزان وهؤلاء القبوريون. القبوريون c'est ceux qui adorent les morts. Ils les ont appelés قبوريون لماذا؟ لأنهم ils font du shirk auprès des tombes. إما sacrifice, إما دعاء. وبعضهم عيادا بالله ils font الطواف autour des tombes. Tout ça pourquoi؟ Parce que c'est un wali. فاسمع قال يقولون qu'est-ce qu'ils disent؟ الشرك عبادة الأصنام وعبادة الأولياء تقرب إلى الله و نعم تقرب بيتو وعبادة الأولياء تقرب إلى الله وتوسل إلى الله. Ils ont fait la différence entre الشرك ceux qui adorent l'Asnam et ceux qui demandent au Wali. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a aucune différence min hayth anna c'est une adoration pour autre qu'Allah. Il faut bien comprendre, le cheikh, il ne dit pas que l'adorer, les adorer sont au même niveau là. Maintenant, certains, ils adorent un caillou. Maintenant, à notre époque, il y en a, ils adorent des vaches. Il y en a, ils adorent Shaitan. Maintenant, certains, ils adorent Isa, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça veut dire que l'adorer, il est au même niveau? Abadan. Isa, c'est un prophète, c'est un messager. Il a une énorme place, indallah. Lakin al-fi'l. C'est ça qu'il faut bien comprendre, Et adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. On ne regarde pas qui est-ce qui est adoré. فلهذا قال عز وجل on le répète وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ibada c'est que pour Allah. L'ibada c'est tu n'as pas le droit de la donner à autre qu'Allah عز وجل. Et là ils ont essayé de montrer une différence. Ils ont dit là ils adoraient des statues. Amma al-Quburiyoun aujourd'hui ils disent quoi? Ils disent nous là ce qu'on fait c'est du tawassul, c'est on prend comme intermédiaire les saints. اسمع الجواب قال وعبادة الأولياء تقرب إلى الله وتوسل إلى الله ليست بالشرك لأن الشرك عبادة الأصنام فقط. يا سبحان الله الرسول قاتل الجميع. الجميع يعبدون الأصنام والذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزيرا والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا pas différencié. هؤلاء différencié. On va suivre qui? Al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, même haoula. Na'oudu billah min al-khudla. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas différencié. Kaffar al-mushrikin, kaffar al-yahoud, kaffar al-nasara, on a cité certains versets. Haoula, ils disent non, il y a une différence. Na'oudu billah. Qala azza wa jal, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Est-ce que, niveau arabe, on parle même pas de compréhension avec la compréhension du prophète alayhi salatu salam, avec les hadiths, avec les paroles des compagnons, des savants, même en langue arabe, Ils ont contredit la langue arabe. قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et n'invoquez, n'adorez avec Allah personne. Eux, ils ont dit personne, sauf on a le droit de demander aux saints ces mimbab shafa'a. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال أحدا. فانظروا الهوى. Ça, c'est parmi les causes de l'égarement, iyadam billah, anna al-insan, il essaye de spécifier un verset ou un hadith avec cette passion. Aoula, au lieu de se repentir, il dit sahih, al-ibada, c'est que pour Allah. Al-wali, si c'est vraiment un wali, on l'aime fillah. On n'a pas besoin de sacrifier en son nom, iyadam billah, pour lui. Aïe, dire, même s'il dit bismillah, si la niya, c'est pour que le wali fasse telle ou telle chose, la niya, c'est du shirk. On n'a pas besoin de lui demander, il est mort. On n'a pas besoin de faire tawaf autour de sa tombe, iyadun billah, ça c'est que pour tawaf, c'est que autour de le Kaaba. Et si c'est un wali, on l'aime fillah, belle, on peut être utile pour lui, bi'idnillah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui pardonne. Il y en a, même si c'est un wali, c'est pas, il n'est pas infaillible, ça reste un être humain. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Ahada, amma l'adoré, fa na'oudu billah min ash-shirk. Thumma qala, rahimahullah. On revient à la parole de Cheikh al-Islam, qala. إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله عرفت أن من نخ نبيا نخ سيأتي معنى نخ قال بالعامية أي استنجد به أي دعاه celui qui demanda à un نبي أو ملكا قال أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام c'est ça معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله c'est la dire avec la langue ça on est tous d'accord Kadhalik, comprendre cette kalima, pour que cette kalima touche notre cœur, la ilaha illallah, ay, la ma'boud bihaq illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, thumma mettre en application, adorer Allah seul, ne pas adorer autre. C'est ça, ma'na la ilaha illallah. Amma celui qui dit la ilaha illallah, thumma, comme a dit le sheikh, yad'u al-malaika, ou l'anbiya, ou yastaghith avec un makhlouq, il demande l'aide d'un makhlouq, alors que ce makhlouq, il ne peut pas lui donner comme un mort, فقد خرج من الإسلام. C'est ça le حكم العام. C'est pour ça que nous devons enseigner à certains musulmans à cause de leur ignorance, ربما يخالفون عن جهل. Personne ne leur a montré. فهؤلاء on ne se précipite pas à les faire sortir de l'islam. On doit leur montrer le haq. On doit leur montrer qu'ils sont à la khatar. L'islam qu'ils ont compris, ce n'est pas l'islam sahih. La ilaha illallah, ce n'est pas un cadre qu'on accroche chez nous. Ou une kalima qu'on dit hagada et on ne sait même pas ce que ça veut dire. La ilaha illallah, c'est avant le shahada, c'est le plus grand témoignage. En ta fi dunya, si tu fais un témoignage au tribunal, tu dois faire attention à ce que tu dis. Ben, ils te font signer une feuille. Le faux témoignage, si tu mens, ou tu fais un faux témoignage, ou tu ne cites pas les faits exacts, tu risques tant et tant. Ça, c'est un témoignage, Obama, dans une affaire qui n'a aucune importance, ou pas beaucoup d'importance. أما هذه الشهادة سأعظم شهادة قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى il a témoigné les anges ils ont témoigné les gens de science ils ont témoigné أنه لا إله إلا الله que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah فأنت en tant que mu'min tu dois témoigner et quand tu témoignes tu dois savoir qu'est-ce que tu témoignes de quoi أما بعضهم كما قال الشيخ يقول لا إله إلا الله ثم يزدادون دمار بعضهم clairement vous avez peut-être déjà vu عيادم بالله بعض غلاة الصوفية والروافد القبوريون dès qu'il arrive devant la tombe يركع il s'incline والله بعضهم il se prosterne devant le ولي ثم يقولون لا on n'adore pas une statue enfin pourquoi tu te prosternes pour autre qu'Allah Donc on n'a pas le droit pour, on n'a pas le droit de se prosterner devant une statue, mais on a le droit de se prosterner devant un mort. Belle pour eux, c'est une ibadah azim. Ça les rapproche d'Allah. Ayyadam billah. Alors que sujoud, c'est une ibadah, on n'a pas le droit de se prosterner que devant Allah, azza wa jal. Qala, rahimahullah, wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa in qala qailun min al-mushrikin. نحن نعرف أن الله هو الخالق الرزاق المدبر لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله Si Wahed de Haoulay se pose cette question, et Kadir Minhom, c'est ça leur Shubha. Et on répète, celui qui veut étudier en détail cette ambiguïté et la réponse, hey, c'est quoi les arguments de ceux qui prétendent que adorer les morts, c'est pas du shirk. Celui qui veut les détails, enfin, on répète, une des références, la Risala de l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, qu'est-ce que Shubhat ? Il a répondu en détail. Et Huna, il a résumé. Qala, si ils disent, lakin, nahnu, on reconnaît que Allah c'est le créateur. Et nahnu, on aime Allah. Bel, kama taqaddam, ma'ana, annahum, ils ont donné certaines adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, lakin, yakouloun, هذا استبقوا فار قريج هكذا pour les mouchriquons القبوريون d'aujourd'hui يقولون أن هذا الولي qu'on demande on va vers sa tombe on sacrifie on sait que c'est Allah le créateur et on sait que lui c'est une créature لكن vu qu'il a un rang élevé عند الله on espère qu'il intercède pour nous. الشيخ il a répondu قال كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. C'est exactement ce que الكفار à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام ils ont dit. Et il va citer le dalil min al-Qur'an. Isma', on lit déjà l'explication de Cheikh Al-Bouzan. قال الشيخ يخاطب العلماء والعوام ومعنى نخاه في العامية أي استنجد به. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك ويقول المراد به التوسل بهم إلى الله يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يحيي ولا يدبر إلى الله. Est-ce que تظنون disaient que c'est les statues qui créent Abedin. Ils reconnaissaient que c'est le créateur d'Allah. Pourquoi ils ont adoré les statues? Exactement la même réponse que Haoula. Pourquoi ils ont adoré les statues? Pourquoi? Parce que pour eux, ça les rapprochait d'Allah. Isma' wa ya'buduna min dunillah. تقدم معنا. Donc ils ont adoré autre qu'Allah. Pourquoi? قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Pourquoi? Parce que pour eux c'est des intermédiaires. تأمل قولهم عند الله. Ça montre que leur but c'était de se rapprocher d'Allah. Le verset est descendu fait kuffar Quraysh. Donc leur but c'était de se rapprocher d'Allah, mais pour se rapprocher d'Allah, ils ont pris des intermédiaires. Prendre des intermédiaires, c'est du shirk. C'est ça, At-Tawhid. Ou plutôt, c'est ça qui contredit At-Tawhid, Al-Shirk. Et pour comprendre At-Tawhid, tu dois comprendre ce qui le contredit. Aïe, Al-Shirk. Qala, Rahimahullah. Ben, on peut finir le verset. Cheikh Al-Fawzan, il ne l'a pas cité complètement. Fa, tamamul aya. Qala, Azza wa Jal, qul atunabbi'un Allah. Bima la ya'lamu fi as-samawati wa la fi al-ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé leur fi'l annahu c'est du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cité leur shubha wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Ils disent on les a pris comme intermédiaires. Allah azza wa jalla leur a répondu ou il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre qul. Aïe, dis-leur, ya Muhammad, atunabbi'un Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fi al-ard. Aïe, est-ce que vous allez informer Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose qu'il ignore dans les cieux ou dans la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi ils adorent autre qu'Allah. Thumma qala azza wa jalla, il a montré le jugement de leur fi'al. Qala azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus amma yushrikun, des associés qu'il lui donne. Ça nous montre, anna le fait de prendre des intermédiaires, adorer un mort, on répète l'adoration, ça peut être une invocation, ça peut être un sacrifice, ça peut être un tawaf, ça peut être s'incliner, ça peut être le cœur, espérer, avoir peur. Ayyadan billah, fahada c'est du shirk kama qala Allahu azza wa jal. Bel, on peut ajouter un deuxième verset, min surat az-zumar. Ta'ammal, qala azza wa jal, walladhina attakhadu min dunihi awliya. C'est exactement le même sens que le verset précédent min surat Yunus. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Exactement la même chouba. لماذا لأن c'est le même peuple, Kuffar Quraysh, qui disait ça. Allah il a cité dans surat Yunus et dans surat Az-Zumar. Pourquoi ils adoraient autre qu'Allah? Pour que cet intermédiaire il les rapproche d'Allah. قال عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله سبحانه وتعالى il a dit il jugera entre يوم القيامة entre les croyants et entre هؤلاء المشركين qui ne voulaient pas accepter la da'wah. ثم الله سبحانه وتعالى il a cité الحكم et le jugement les concernant. قال عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Allah il ne guide pas les menteurs et les mécréants. لماذا لأنهم ils ont refusé la da'wah du prophète صلى الله عليه وسلم en mentant. فالنبي صلى الله عليه وسلم ou plutôt Allah سبحانه وتعالى il a qualifié leur fi'l de shirk et il les a qualifiés eux de menteurs et de kuffar. Est-ce que c'est légitime en haoula à notre époque al-quburiyoun qui adore les tons alors ils disent là on fait dua, on demande à ce mort, on sacrifie. Pourquoi? Parce que c'est un wali et c'est pour qu'il nous rapproche d'Allah. Est-ce qu'il y a une différence entre leur cas et Kuffar Quraysh? Celui qui est sincère, objectif et qui a compris, celui qui n'a pas compris, enfin, il fait des efforts pour comprendre. Mais celui qui a compris et qui est objectif et sincère, voilà, chacun d'entre eux, il admettra qu'il n'y a aucune différence. قال شيخ الإسلام وربنا سبحانه فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك ما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم فالحمد لله إلى ستة لفيرسيك لا ريفيرنس. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا كذلك إلى ستة المؤلف في القواعد الأربع. Essayez d'apprendre le Qawaid al-Arba. Quatre règles, très très simples, chaque règle avec un dalil min al-Qur'an, ou deux, ou plusieurs. Très très courte la risala, il y a fawaid azim. Ils vont, هذه الرساله va vous servir بإذن الله عز وجل pour comprendre هذا العلم العظيم التوحيد. قال الشيخ الفوزان المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله التوسط لهم فقط. Donc, à l'Mushrikoun al-Awwaloun, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement montré leurs intentions, qu'est-ce qu'ils voulaient, se rapprocher d'Allah. Donc, ils les ont pris comme intermédiaires. قال لا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون وإنما يقولون إن هؤلاء شفعاء لنا عند الله يقولون إن هذا تعظيم يقولون إن هذا أو إن هذا تعظيم إن هذا تعظيم لله. Donc, هذا والله الحمد, c'est compris. قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا فتأمل هذا أخي. On doit bien se concentrer, bien comprendre ce qu'on est en train d'étudier. L'âne, c'est la base de notre dîn, c'est le premier pilier de l'islam. Et comme on remarque l'âne, des groupes, ils se sont égarés, ils ont mal compris ce pilier. Hatta ils ont atteint un niveau, ils adorent autre qu'Allah. Fais comprendre, Akhil Karim. Fais des efforts pour comprendre. Lis, relis. En plus, alhamdoulilah, tu as ces deux versets, c'est des bases pour répondre aux ambiguïtés des mouchriquines de toutes les époques. Sourate Zumar, le verset 3. Sourate Yunus, le verset 18. Reviens au livre des savants, des imams du tafsir, de la communauté. Tu verras que la communauté, elle est unanime à l'hada. Les ma'adhaliyana, c'est le pilier de l'islam le plus important. Qalou, arafta anna al-kuffar yashahaduna lillahi bi tawhid al-rububiyya. وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء ينخون أي. On peut remplacer par Yad'oun. Nakha, Cheikh Fawzan, il a fait la remarque que c'était un kalam bil'ami, avec leur lahja, leur dialecte à eux. Ils ont reconnu donc Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. Et ils adoraient Isa, des anges, qalou al-awliya, et yaqsudun annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa. Donc leur but c'était, ils pensaient que ces intermédiaires, ils allaient les rapprocher d'Allah. قال ويشفعون لهم عنده وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه معتزلا في صومعة في صومعة صومعة نعم الصومعة أي بيت العبادة عند النصارى c'est leur lieu de culte صومعة comme une église comme un couvent un monastère من عن الناس بل هنا صومعة عن الناس c'est ils s'isolaient à l'inna, c'est plus les couvents, les monastères, avec des lieux, des endroits où ils se regroupent et se coupent du monde pour adorer. Pourquoi il a cité cet exemple ? Rahimahullah. قال شيخ الفوزان الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون ولكن يقولون المسيح ابن الله. Ils font certains sacrifices. Bardoum, ils se sont coupés du monde. Wa'adoum, ils ne se marient pas. Même si c'est des innovations, même si c'est du shor, ils veulent faire quelque chose pour se rapprocher de leur divinité. Pourquoi Allah n'a pas accepté d'eux? Les madali, tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas pour Allah. Imma, c'est pour Isa. Imma, ils ont eu la conviction que Isa, c'était le fils de Allah. Imma, pour certains, ils adorent Maryam. Ta'lamoun, al-Nasara, ils ont mélangé ou al-Haraf. Qala, ou inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Ou thalithu thalata, wa hum yabkoun wa yata'abbadoun. Certains, ils jeûnent. Certains, comme Aqal al-Shir, ils donnent des aumônes, ils aident les orphelins. Certains, ils font du khayr, en apparence. Lakin, même si c'est du bien, fit dunya, matalan, ils aident un orphelin, comme on a dit, ils creusent des puits, ila akhri ba'dhum min al-Nasara. Khasatan, leurs moines, leurs prêtres, les sœurs, kadalik, ils s'écartent du mensonge, ils s'écartent. Tout ça, c'est pas accepté, indallah. Pourquoi? Les annahum, c'est des mushrikoun. Ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala Isa ibn Maryam. Pourtant, c'est un prophète. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte pas le shirk. Ana aghna shuraka an shirk. Hakada qala azza wa jal. Qala, wala, qala, wahum yabkoun wa yata'abbadoun, wala yamfa'uhum hadha. Liannahum ma akhlasu l'ibadah lillah azza wa jal. Famitluhum ubbadul quburu liyum. Tous ceux qui adorent autre qu'Allah, leur amal, il est pas accepté. قال عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala Allah il rend ses œuvres vaines. انظروا على خساره مثلا سو نصراني ça soit un moine un prêtre انه il a délaissé le mariage بعضهم ils ne sortent plus ils sont enfermés dans leur couvent dans leur monastère بعضهم ils font certaines adorations qu'ils font certaines prières il a arrêté tout ça c'est haba manthour. Tout ça, ce n'est pas accepté, indallah. Limadha liyanna, la condition essentielle, c'est la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allah, il accepte que des musulmans, que des croyants. Il n'accepte pas des mushriks. On a cité les versets. Qala, rahimahullah, on a fini hada, na'am. On revient à la parole de Cheikh al-Islam. Qala, wa huwa ma'a hada kafirun, adubun lillah, mukhaladun finnar. بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه ويذبح له أو ينذر له نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله سبحانه وتعالى سلمك كخير النصارى il sait très bien أنهم ils font certaines adorations dans leurs églises أنهم ils font certains sacrifices أنهم ils prétendent que c'est eux le peuple élu c'est eux tout ça c'est باطل لقد كفر الله حكم عليهم بالكفر. Tant qu'ils ne témoignent pas que Allah mérite l'adoration seul, tant qu'ils ne reconnaissent pas la prophétie du prophète Mohammed alayhi salallahu alayhi wa sallam, tant qu'ils ne croient pas au Coran, tant qu'ils n'adorent pas Allah azza wa jal seul, tout ça c'est pas accepté. Qala tabayyana lak kayfa sifatu al-islam alladhi da'a ilayhi nabiyyuk Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa tabayyana lak anna katiran min an-nas 'ayn 'anhu bima'zal wa tabayyana lak ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa sallam bada' al-islam ghariban wa sayaudu ghariba kama bada. Al-hadith il est sahih. Celui qui met en application ma dhakarahu al-shaykh huna et ma dhakarahu al-shaykh huna c'est basé sur le Coran ou le Sunna. Enfin, celui qui met en application le Coran ou le Sunna, il sera gharib. Khassatan à notre époque. On ne dit pas gharib que dans l'apparence là. On parle gharib concernant le premier pilier de l'islam. Wa'adana, si tu leur montres ma'na la ilaha illallah et ceux qui la contredisent, c'est du kufr, etc., tu seras directement taxé de takfiri, wahhabi, etc. Gharibun. Limadha li annahum, ils n'ont pas compris. دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ. الدين de notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام il est basé sur ce pilier. التوحيد. التوحيد c'est شهادة أن لا إله إلا الله. Et cette رسالة qu'on a étudié ensemble ولله الحمد c'est pour clarifier ce pilier. فاسمع كلام الشيخ الفوزان. قال الإسلام الصحيح غريب اليوم. أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار. ولكن الإسلام الصحيح غريب. نعم، لأن الإسلام الصحيح c'est ما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام الصحيح c'est القرآن العظيم. C'est la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا الإسلام il est غريب. قال إذ لو كان هذا المليار. المليار أي 6 milliards de musulmans. إسلامهم لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم. 600 مليار de musulmans, ils auraient cette croyance authentique. Ils auraient compris هذا التوحيد. 100 milliards, ils s'écarteraient tous من الشرك, خاصة من عبادة الأولياء والقبور. كما قال الشيخ, personne ne pourrait s'opposer à eux. أبداً. لماذا؟ لأن 1 milliard d'êtres humains avec عقيدة التوحيد en suivant les salafs, ils sont inarrêtables. الله سبحانه وتعالى قد فتح على من هم أقل عددا. الله سبحانه وتعالى il a ouvert les portes aux compagnons رضي الله عنهم qui étaient beaucoup beaucoup beaucoup moins que ce milliard. قال فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين. Prends l'exemple du conflit palestinien. Cheikh Al-Fawzan, il a cité un al-Yahoud. Min akhbat khalqillah. La'anahumullahu subhanahu wa ta'ala. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel. Hakada qal azawajal. Ils sont maudits. Bel dhuribat alayhim adhilla wal maskana. Allah, il les a humiliés ila yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rabaissés ila yawm al-qiyama. Ma'a hadha al-an, ce milliard de muslims, et nahnu fait partie, walillahi alhamdu, ce milliard, on a du mal à récupérer cette terre et à prendre le dessus sur Al-Yahoud. Pourquoi ? قال والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310 وماذا صنعوا. Prends l'exemple un de النبي صلى الله عليه وسلم. À Badr, ils étaient un peu plus de 300. Un peu plus de 300. Alors que Al-Jazira كلها, la péninsule arabique, ils étaient tous contre le Nabi, les chrétiens, les juifs et les mouchrikoun. Et beaucoup de tribus, Quraysh et les mouchrikoun qui étaient à Najd ou Hijaz, etc. قال, ماذا صنعوا? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Badr? قال, فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض, كم هم? Ils étaient, à Badr, ils étaient 300. Un peu plus de 300. Fil Medina, si tu prends le total des compagnons, ils étaient quelques milliers. ماذا qu'est-ce qu'ils ont fait? قال ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait al-jihad et ils ont conquis beaucoup de terres. Et après al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de Abu Bakr et encore plus l'époque de Omar, فتحوا الدنيا. Hatta ils ont réussi à battre Kisra wa Qaisar. On peut pas s'imaginer cette équipe Kisra wa Qaisar. C'était les deux puissances à l'époque, les Perses et les Romains. À l'époque de Omar radiallahu anhu, ils ont eu le dessus. Pourtant, ils étaient beaucoup moins. Lakin, ils avaient l'arme essentielle à Tawhid. Ils avaient un iman qawi. Ils suivaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils revenaient à Allah azza wa jal. Allah, il leur a donné le dessus. Si on reviendra à ce Tawhid et on s'écarterait tous du shirk, et on suivrait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de la Palestine, ça se réglerait en quelques jours, bi-idnillah. Azza wa jal. Limada li anna al-nasr si min indillah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas donné le secours, fa une des causes c'est hada. Tu trouves l'an fi ba'd al-bilad al-muslimin, il se prosterne devant des tombes. Fi ba'd al-bilad al-muslimin, pour demander l'aide à la Palestine, ils vont voir des wali. Ya Sidi Fulan, ya Sidi Fulan. C'est ça, nahnu qui nous a touchés. Mais ne pas penser que l'ennemi il est fort, il est puissant. Abadan, ça c'est ce qu'ils essayent de faire croire. Allah subhanahu wa ta'ala dharaba alayhim adhilla wal maskana. Ils sont humiliés, rabaissés jusqu'à la fin des temps. C'est pas eux qui sont élevés, c'est nous qui on s'est rabaissés kadalik. À cause des péchés et certains membres de la communauté, ayyadan billah, à cause du shirk. Shirkiyat wadiha. Qala, wa ma'a hadha fahum fatahu al-amsar. Al-amsar ay al-buldan. وأسقط كسرى وقيصر وساد العالم كله لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح ما هو إسلام ادعائي. Ça c'est un point important. أن الإسلام دين الله عز وجل الحق il a des fondements. Et le principal fondement c'est le tawhid, le premier pilier de l'islam. L'islam c'est pas une origine. L'islam c'est pas une tenue. L'islam c'est pas une couleur de peau. L'islam c'est pas un prénom. أبدا. L'islam c'est dinun qui est fondé sur une aqida et une sharia. Aqida dans le cœur et une sharia avec les membres. C'est ça notre din. Vu que sahaba radiyallahu anhum, à leur époque, ils ont mis en application hada, ils ont compris hada, et ils ont propagé hada, Allah, il leur a ouvert les portes. Nous, l'un, tu trouves wahid, il a un prénom muslim, il a akhiré, thumma, tu le trouves avec une bête, inda sidi fulan, il sacrifie. Est-ce que hada, c'est min din et l'islam? Ça contredit la base de notre din. C'est pour ça que haoula, on doit avoir l'intention de les combattre et de les détester, billahi azza wa jal, pour din Allah azza wa jal, pas pour eux. Autre chose. Enfin, le jour où les musulmans ils auront cette intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera la victoire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-nusra li ikhwanina al-muslimin fi kulli makan. On revient à la parole de Cheikh al-Islam et on essaie de conclure. Qala fa Allah, Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum wa awwalihi wa akhiri. La base de notre dîn. Un musulman, pour rentrer vers l'islam, la première chose qu'il doit prononcer, c'est « al-shahada ». C'est ça qui fait rentrer vers l'islam. « Kadalik akhir al-din » et c'est que la dernière chose que tu prononces « fi hadi dunya », ce soit « shahada ». Enfin, ta vie, elle doit commencer avec « shahada », elle doit finir avec « shahada ». Donc, donne du temps à « hada ». Enfin, « l'hada » قال « Allah, Allah, ya ikhwani ». Shafaqatan bil umma, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il essaie de nous encourager à prendre la base de notre dîn. Qal wa usuhu wa ra'suhu, shahadatu an la ilaha illallah. Et le fondement principal, qawluhu usuhu ay asasuhu, hada ad-din, la base de ce dîn, c'est cette kalima, cette shahada. Qal wa arifu ma'naha wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Cette kalima qu'on a étudiée ensemble, on a essayé de clarifier le sens. On doit l'aimer, bien sûr. On doit aimer ceux qui l'aiment. Kadalik, on doit détester ceux qui détestent cette kalima. Enfin, notre wala ou notre bara, ya ikhwan, il doit être par rapport à cette kalima. On doit s'aimer, villa, par rapport à cette kalima. Par rapport à notre suivi du prophète, alayhi salatu wasalam. Par rapport à notre mise en application du din. Comme a dit al-Shir, rahimahullah, walau kanu wa'idin. Même si c'est des gens qu'on ne connaît pas, on les aime, villa. Là, il y a notre amour, notre alliance plutôt, par rapport à suivre un tel, à offrir telle chose. Hada simin al-jahiliya. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'ouha fa innaha muntina. Enfin, notre amour, il doit être fillah, azza wa jal. Qala, rahimahullah, wakfuru bit tawagit, wa'aduhum, wa'abghidhuhum, wa'abghidhu man ahabbahum, aw jadala anhum, aw lam yukaffilhum. Kadalik, et ça c'est un point important, notre din il est fondé sur ça. On doit aimer ceux qui aiment la religion, qui mettent en pratique al-muahidoun, ceux qui ne donnent pas d'associé à Allah Azza wa Jal, et les croyants sincères. Kadalik, on doit détester ceux qui contredisent hadith din. Même s'ils sont gentils, même s'ils ont un bon comportement, même s'ils ne nous ont pas fait de mal à nous-mêmes. L'imad ali anna had al-bourd il est lillah. Fahaoula la yu'minouna bil nabi, ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minouna bil Qur'an, et d'un des associés à Allah azza wa jal, on ne doit pas être égoïste, ayyadan billah. Ba'd al-juhal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais pourquoi vous dites qu'il faut détester les mécréants? Pourquoi? Ah là, j'ai un voisin, il est gentil, il me rend des services, il. Ah là, il n'a pas compris le din. Non, on ne t'a pas dit de le détester par rapport à toi, là. Là, Allah subhanahu wa ta'ala amrak. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de les détester. Même si c'est aqrab qarib, même s'il fait partie de tes proches, le détester pour Allah Azza wa Jal. Isma, qala, ou qala ma'alayya minhum. Ba'dhum ils sont hakada. Ils disent, ana, c'est pas mon problème. Na'oudou billah. Kif, c'est pas ton problème. C'est du din. Qala, ou qala ma kallafani Allahu bihim. Faqad kadaba hada ala Allah wa iftara. Faqad kallafahu Allahu ta'ala bihim. Ba'dhum ils disent, Allah, il nous a pas imposé, il nous a pas ordonné de les détester, etc. الشيخ قال بل الله سبحانه وتعالى كلفك الله يتع imposé هذا لكن il faut lire le Coran, il faut faire des efforts في العلم, il faut essayer de chercher cette vérité. قال وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné à tous هذا. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. On n'a pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que je viens de réciter, il a montré à Azza wa Jalla qu'un mu'min n'a pas le choix. Quand Allah il leur donne une chose, tu n'as pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a ordonné? Isma' qala azza wa jalla la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Aimer ceux qui ont délaissé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont délaissé la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Tu ne trouveras pas ça. Donc si tu es un mu'min, tu ne dois pas aimer ha'oula. Abadan. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء سئل إخوياه. même si c'est son père, son enfant, son frère, il le déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala si il contredit ce tawhid qu'on a étudié ensemble. Si c'est pas un musulman. On parle pas de al-mahabba tabi'iyya. Ça arrivera. Le père avec son enfant, il y aura cet amour père-fils. Lakin par rapport au din, il le détestera. Et il fera tout pour lui montrer le haq pour qu'il revienne. قال فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا اللهم وفقنا اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم الشيخ رحمه الله إلى أنكم أنسيستي فالله الله يا إخواني تمسكوا accrochez-vous à هذا à ce tawhid. Faites des efforts. On doit donner du temps. On doit donner du temps. On doit faire des sacrifices pour apprendre, pour mettre en application. أما celui qui veut que هكذا ça arrive sans effort, فهذا il se trompe. قال وأنتم لعلكم تلقون الله. Ça montre أن nous-mêmes, chacun de nous n'a aucune garantie qu'on mourra à l'aide de Tawhid. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat hatta nalqah. Lakin on doit faire des causes. On doit faire des causes pour apprendre, mettre en application. Et Allah subhanahu wa ta'ala karim. Qala Cheikh al-Fawzan, kufr ahli zamanina. Donc il explique la dernière phrase. Qala kufr ahli zamanina a'zam min kufr al-mushrikin al-awwalin. Thumma Cheikh al-Islam, il a fini avec cette mes'ala. Kadhalik il l'a cité fil qawaid al-arba'. La dernière règle. Kadhalik il l'a cité fil kashf al-shubuhat rahmatullah alayhi. L'haqiqa, ce livre, c'est un résumé de ces deux rasa'il. Qawaid al-arba et kashf al-shubuhat. Celui qui a étudié ces rasa'il, alhamdulillah, tout ça, il le comprendra. Lihada nansah al-ikhwan d'étudier ces deux livres et d'apprendre, de mémoriser al-qawaid al-arba. Une risala très très simple, lakin qui ouvre beaucoup de portes pour comprendre hadha al-ilm. Qala Cheikh al-Fawzan, donc, kufr ahli zaman, ina a'zam min kufr al-mushrikin al-awwalin. Le kufr, la mécréance des mushrikoun d'aujourd'hui, elle est plus grave que la mécréance de ceux d'avant. Pourquoi? قال اعظم من كفر ابي جهل وابي لهب لان المشركين الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده لانهم يعلمون انه لا يخلص من الشده الا الله اما مشركو زماننا فهم في الشده اكثر شركا منهم في الرخاء. Pourquoi? Parce que les mushrikoun à l'époque, et c'est ainsi معناها الايه شيخ الاسلام الى سته, les mushrikoun à l'époque quand ils étaient en difficulté ils revenaient à Allah عز وجل. Al-Mushrikoun d'aujourd'hui, quand ils sont en difficulté, la première chose qu'ils font, ils demandent aux morts. Fala shakanna, celui qui fait du shirk dans la difficulté et la facilité, son cas il est plus grave que celui qui fait du shirk que dans la difficulté. Qala, idha waqa'u fi ash-shidda yunaduna ma'budatihim, kullun yunadi ma'budahu li yukhlisahu min al-gharq fi al-bahr, yukhlisahu min kadha, kullama zada al-khatar zada ash-shirk 'indahum, fahum ash-shadd min al-mushrikin al-awwalin wal-'iyadu billah. Et hada tu le vois. Ba'd an-nas quand tout va bien l'an, ils vont au masjid, ils vont au hajj, ils font l'umra, ils font siyam ramadan. Ils sont touchés par une épreuve, la première chose qu'ils font, ils vont voir un sorcier. Ils sont touchés par une épreuve, la première chose, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils vont voir Sidi Foulane, ils sacrifient une bête pour que leur enfant, leur épouse, ils soient protégés. Hada, ça contredit la base de notre din. Pourquoi tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas sûr, tu n'as pas de certitude? Tout ça, ça contredit la ilaha illallah. Il y en a parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est la certitude. Al-yaqin. Qala Cheikhul Islam. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال عز وجل إذا مسكم الضر. Quand vous êtes touché par un mal في البحر, أي المشركون à l'époque quand ils étaient en mer et ils étaient touchés par un mal, أي ils craignaient pour leur vie une tempête etc. ظل ما تدعون إلا إياه. Ils demandaient qu'à Allah, Azza wa Jal. Les malades, ils avaient la conviction que leur statut, elle ne pouvait rien faire. فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرْ Quand Allah il les sauve et il retourne sur terre, أَعْرَضْتُمْ Il se détournait. Et il retournait faire du shirk. قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا C'est pour ça que l'être humain, يَدَمْ بِاللَّهِ إِلَى هَدَ الْوَسْطِ الْكُفْر Et il ne reconnaît pas ses faiblesses. Il ne reconnaît pas la vérité. قَالَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ تَرَكُوا السَّادَةَ وَالْمَشَايِخَ فَلَمْ يَدْعُوا أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَغِيثُوا بِهِ بَلْ يُخْلِصُونَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ وَحْدَهُ فَإِذَا جَاءَ الرَّخَاءُ أَشْرَكُوا C'était ça leur hal. Quand ils étaient en difficulté, ils revenaient à Allah. Quand ils retrouvaient une certaine facilité et du confort, ils retournaient à leur shirk. Fallait on doit faire attention à nous de pas faire partie de هؤلاء الذين يكفرون النعمة quand tout va bien فالحمدلله quand un problème خلاص on oublie هذا لا قال وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم صحيح بعضهم ils sont considérés من أهل العلم عند الصوفية عند الروافد عند عباد القبور ils sont considérés أنهم c'est un savant عندهم قال وفيه زهد واجتهاد وعبادة بعضهم من الصوفية tu le vois il fait des efforts في الصلاة ملازمة المسجد الحج tous les ans etc قال إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني ça c'est des saints qui sont adorés من دون الله قال وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام الزبير من المبشرين بالجنة زيد بن الخطاب لفخير دو عمر رضي الله عنهم قال وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا on l'a vu et vous l'avez vu ceux qui ont visité Al-Madinah أن البعض quand ils visitent la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم ils demandent au prophète صلى الله عليه وسلم pour résoudre tous leurs problèmes maladie ou stérilité ou pauvreté ou autre عيادة بالله قال فالله المستعان وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرضة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله أعلم قال والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين انتهى كلام شيخ الإسلام قال شيخ الفوزان معروف هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق يعبده القبوريون Donc, Cheikh Al-Islam, il a cité ces exemples que certains, ils adorent des morts. Et parmi ces morts, Ma'rouf, il est considéré comme un wali, il est enterré en Irak. Qala, wa Abdel Qadr al-Jilani, imam min a'immat al-Hanabil al-Qudama, fa huwa imamun jalil. Wa hada, il l'adore min dounillah, al-Soufiya. Alors qu'il est considéré, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, min kibar al-Hanabil. Il a des ouvrages. لكن ils ont menti sur lui كثيرا ils ont exagéré حتى ils l'ont adoré من دون الله وإلا فهو بريء من هؤلاء قال ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر فبنوا على قبره والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادرية القادرية en référence à عبد القادر أي c'est les suiveurs de عبد القادر أي c'est une confrérie من هؤلاء الضلال قال وهو بريء منهم رحمه الله فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية الحنابلة اللي سيت بخير des grands imams de la sunna il cite عبد القادر الجيلاني بالعلم والصلاح نعم donc ça nous montre أن c'est pas tous ceux qui sont adorés أنهم ils sont en accord avec ceux qui les adorent On a un exemple avec Isa, alayhi salatu wasalam. On a un exemple de certains compagnons. On a un exemple de certains imams. Naam. Fa matalan al-Rawafid, ils adorent Ali wa Fatima, leurs enfants, le Hassan ou le Hussein. Et ils n'ont rien à voir avec eux. Qal wa Zayd ibn al-Khattab, sahabiyun jalil, wa huwa akhu Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Wa qutila fil yamama wa qubira fiha wa kana alayhi qubba. Al-yamama, c'est toujours en... نكتوال عربي سعوديت قال فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة ولم تقم إلى الآن والحمد لله ولن تقوم إن شاء الله ça c'est ثمرت de cette دعوة cet imam qui a écrit ce livre il a écrit le livre ولله الحمد il a mis en application أنه quand Allah سبحانه وتعالى il leur a ouvert les portes et il a été secouru par l'imam الصالح محمد ابن سعود رحمة الله عليه فإن des premières choses qu'ils ont fait c'est ils ont purifié دولة دولة التوحيد أي الأكتوال عربي سعودي من الشرك وإلى الآن ولله الحمد. فلهذا on doit reconnaître هذا. Cette دولة لها فضل عظيم. Ces cours que tu écoutes, ces livres que tu lis, que tu achètes, هذه الدولة لها فضل. On ne doit pas faire partie de المنحرفين الضلال qui les critiquent. Ils ont énormément de khair, ils ne sont pas infaillibles. Lakin on fait dua pour eux, qu'Allah les assiste. Et ils ont propagé et propagent tawhid ila yawmina hadha. Ils ont purifié shirk ila yawmina hadha min biladihim. Enfin, c'est dawlat al-tawhid. C'est dawlat al-ulama. Ils donnent beaucoup d'importance aux ulama. Wala yuhibbuhum illa ahlu sunnah. Et celui qui critique hadihi dawla, tu verras en général anna fi qalbihi dakhan. Des problèmes fi العقيدة والمنهج وإلا فالعلماء ولله الحمد يثنون على هذه الدولة إلى يومنا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم على جميع الأعداء. قال والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدون نعم وهؤلاء الأولياء والصحابة نعم يعبدهم القبوريون صحيح certains les adorent min dun illah ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم بل عبدوا الطواغيت والكفر والمرض من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين. Et ça c'est encore plus grave comme a bayyana al-shaykh rahimahullah. أن هؤلاء certains ils adorent des prophètes, des saints, des compagnons. Certains encore plus grave ils adorent des zanadiqa, des mécréants, des mujrimis. قال الذين يقولون من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي وإنما هي للعوام فقط. هؤلاء الرؤوس القبوريين الصوفية. Ils disent que الولي quand il atteint un haut niveau, أنه il a plus besoin d'adorer Allah. L'adoration c'est pour les عوام, c'est pour les gens de la masse. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ils se sont basés sur ce verset, lakin ad-dullal, ils ont délaissé la compréhension de tous les savants de l'islam, min as-sahaba radiyallahu anhum jusqu'aux savants d'aujourd'hui. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ay al-maut. Al-yaqin, la certitude, c'est la mort. Adore Allah jusqu'à ce que tu meurs. Eux, ils ont compris al-yaqin, ce que Shaytan il leur a insufflé, yadam billah. Tu trouveras des nas, ils adorent haoula. قال إنما هي للعوام فقط أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. Et haoula, نعم. C'est des suiveurs de Shaitan. نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم. قال والشمسان وإدريس ويوسف هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ. Ça c'était des saints qui étaient adorés ou des طواغيت plutôt comme قال. Ils étaient adorés min دون الله des zanadiqa mujrimoun. Ils avaient construit sur leur tombe et les adoraient min دون الله في الرياض. La capitale de Saoudie aujourd'hui. Alors, ça nous montre quoi? Une faïda azima. On n'en doit pas désespérer. On a dans certains pays des tombes qui sont adorées, min dounillah. C'était le cas en Arabie Saoudite. Lakin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer? Avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Mais les causes qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est ce genre de risala qui a été écrite chez l'islam. Il a éduqué les gens à la hada. Ils ont appris leur din. Ils ont appris tawhid. Allah, il leur a donné le dessus. Un pays entier, l'an ou l'ilham, il est fondé sur hada tawhid. نحن كذلك سيون في دي زيفور فضل الله واسع فضل الله واسع ميم سي اون ني با لا كوز دو لا غيدي دان بي انتي بوتيتر تا فامي بوتيتر تي فوازان بوتيتر تون كارتيه والحمد لله. قال فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض ازالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله. نعم مكه ايزون ولله الحمد ديتروي القباب والامور الظاهره من امور الشرك et à Mecca, à Medina, à Riyad, et wallillahi alhamd, tout Najd ou al-Hijaz, Mecca ou al-Medina, jusqu'à aujourd'hui, wallillahi alhamd. C'est le fruit qu'il a cité à la fin. Hafidahullah wa rahimahullah. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, yarham al-mu'allif, rahmatan wasi'a, wa yarfa' darajatahu fil mahdiyyin, wa nas'aluhu azza wa jalan, yahfad al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan. Ces explications sont très bénéfiques, très simples, résumées. هذه الرسالة le conseil qu'on peut donner à nos frères c'est de la maîtriser, l'apprentissage par cœur, pas besoin de l'apprendre. Là on répète, celui qui veut mémoriser fi tawhid, il étudie et il mémorise kitab tawhid, c'est la base. Tous les versets, tout ce qu'on a cité, c'est fi kitab tawhid. كذلك celui qui ne peut pas au départ فهي كومونس بار الاصول الثلاث القواعد الاربع نواقض الاسلام فيها خير. كذلك في الدراسه يعتني الطالب بكتابين. ليتود دون بوكو دو طون اي تي فورس بور ابراندر كتاب التوحيد tu peux l'apprendre par cœur et l'étudier. Et كذلك كشف الشبهات لي دو دو شيخ الاسلام. Si tu as compris ces deux livres, alhamdoulillah, n'importe quel livre que tu liras, ça revient à ces livres. في التوحيد on parle de al-mukhtasara. مثلا ce livre qu'on a étudié الان تفسير كلمه لا اله الا الله, ça revient à kitab tawhid, à kashf al-shubuhat. N'importe quel livre. Walillah alhamd. ثم celui qui a fini ces deux livres, qui les a compris, pour élargir encore ses connaissances, il étudie Fath al-Majid, l'explication de Kitab Tawhid du petit-fils de l'auteur, l'imam Abdurrahman ibn Hassan, rahmatullah alayhi. Faites des efforts. Faites des efforts. C'est des livres très très simples. Kitab Tawhid, wallahi alhamd, on l'a fini il y a quelques temps. En à peine deux mois, tu peux le finir. Si tu fais un dars par jour, on qadra un dars tous les deux jours, on qadra un dars par semaine, en un an, tu auras fini un livre, une base dans ton din. هكذا كشف الشبهات on l'a étudié avec l'explication de Cheikh Al-Fawzan et Kitab Tawhid on l'a fait plusieurs fois et la dernière fois wallahi alhamd on a étudié l'explication de Cheikh Saadi, elle est très très bénéfique rahimahullah et très résumée fastafadna kathiran fa hada wallahu ta'ala a'lam. Et on a fini avec ce dernier cours, l'étude de cette risala. Avant c'est le 6e cours si je me rappelle bien. Na'am fa alhamdulillah. On a propagé les cours, on essaiera de finir de propager le dernier pour que ça soit complet. Et de temps en temps, on reviendra, ou plutôt de temps en temps, on refera des livres sur le tawhid, c'est important. On avait fait, pas l'année dernière, il y a 2 ans ou 3 ans, avec nos frères ici, on avait propagé les cours, walillahi alhamd, et on les avait fait en direct. On avait étudié, on avait fait une silsila, on avait commencé du premier livre jusqu'à la fin. On les a propagés sur la chaîne Telegram. Walillahi alhamd. C'est pour ça qu'on conseille nos frères, ceux qui veulent bien comprendre Tawhid, commencer par le début. Ne pas écouter les cours un peu là, un peu là. Il y en a, la silsila qu'on avait fait, la série qu'on avait fait, on avait commencé par un livre vraiment de base, l'usul thalath, thumma al-qawaid al-arba'a, thumma al-usul sitta, thumma al-wajibat. Avec Nawaqid l'islam et Shurut la ilaha illallah, thumma kitab tawhid, thumma kashf shubuhat. Les choses qu'on a citées au départ, on les a pas citées après. Certaines choses, on a détaillé ila akhire. Va faire dans l'ordre, c'est muhim. Celui qui peut faire cette série, ceux qui comprennent l'arabe, an-nasiha, c'est d'écouter directement les savants, c'est yastafidun akthar, amma nahnu. On essaye faqat de faciliter à nos frères et de faire les deux langues. Wallahi alhamd, on a remarqué. Et on a vu que nos frères y profitaient كثيراً avec les deux langues, خاصةً avec le support en arabe. فيستفيدون en langue arabe, on essaie de leur clarifier en français comme on peut والضعف حاصل. Et هذا celui qui ne peut pas avec les deux langues, فيستفيد جداً. Mais ceux qui comprennent la langue arabe, revenez directement aux audios de Cheikh Al-Fawzan. Cette risala, c'est des audios à la base. وستستفيدون كثيراً. أما la prochaine risala, on verra. مادري encore. On est quand ? On est mardi. On essaiera de commencer la semaine prochaine, le temps de trouver un nouveau livre. Peut-être la risala de Cheikh Abd Salam, comme on avait dit, Ibn Barjas, rahmatullah alayhi, sur les gouverneurs. C'est un sujet très très important, Kadalik. Ça fait partie de Aqidat al-Sunnah. Et Kadalik, il y a des problèmes dans ce point. Kathir Mounan, ils ne connaissent pas la voix des salafs concernant les gouverneurs. Enfin, ils se permettent d'accuser, de critiquer en public. Iyadam billah. On essaiera de traiter ce point, vu l'importance. Ah, ou si c'est pas cette risala, une autre, et on reviendra à cette risala plus tard. À la kulihal, l'essentiel, c'est de choisir un livre comme celui-là résumé, et on laisse notre livre de base, Rawdatu al-Uqala, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq li al-jami'. Kadhalik, ceux qui veulent lire les questions, elles sont profitables, on ne lira pas, nahnu. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.